Ce vendredi, à La Vie en BD, le 30e festival de la bande dessinée francophone de Québec, un concert dessiné et plus. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à cette édition de La Vie en BD, Raymond Poirier au micro, avec vous jusqu'à 18h30, comme à l'habitude, pour parler 9e art, pour parler bande dessinée, et ben, pour cette semaine et la semaine prochaine, je pense qu'il y a un sujet qui se profile comme étant un peu l'élément incontournable de notre programmation, c'est la 30e édition du Festival de la bande dessinée francophone de Québec. Alors, un événement qui s'annonce foisonnant. En fait, dans les communiqués officiels, on parle d'une programmation d'ampleur historique pour l'événement, avec ben, le traditionnel, évidemment, plus de 125 auteurs, mais à ça, on rajoute une trentaine d'expositions, une vingtaine d'événements, 9 jours d'activité dans la période festival, donc du 1er au 9 avril. Alors, ça sera très gros. J'ai le plaisir de collaborer, évidemment, à certains pans de cette programmation, comme à l'habitude. Et il y a certains sujets ben, dont on avait envie d'aller explorer un peu plus en profondeur. Ça sera fait, notamment, la semaine prochaine. Ça sera fait cette semaine également. Donc, des sujets, des spectacles dont on a vu une première mouture l'an dernier, mais dont on reverra une seconde mouture, une évolution cette année. Alors, ça peut être intéressant, évidemment, de prendre un peu de temps pour voir un peu l'évolution, la nature de la bête, si on peut dire, et également d'autres événements, des nouveautés, notamment, qu'on explorera également. Alors ça sera pour cette semaine et la semaine prochaine, essentiellement. Mais pour aujourd'hui, je parlais, dans le fond, de spectacles dont il y a une deuxième mouture qui est offerte, mais c'est le cas, entre autres, de l'Harmonie de Charlebourg, qui propose, pour une deuxième fois dans le cadre du festival, pour une troisième fois de son existence, un concert dessiné. Alors, 50 musiciens, 2 dessinateurs, dessinatrices, qu'est-ce que ça peut donner? Qu'est-ce que ça amène, le dessin, dans une perspective comme celle-là? Comment on vit une expérience comme ça aussi, en tant que dessinateur entouré de 50 musiciens, musiciennes? Donc, quand même des beaux éléments à explorer dans le contexte d'un concert en plus familial. Cette année, c'est dédié à l'univers des contes sous toutes leurs facettes. Alors, on avait envie d'en jaser et le directeur artistique de l'ensemble, Maxime Dubois, sera accompagné d'une personne du duo de dessinateurs, alors Catherine Lemieux, dessinatrice qui sera avec nous. Donc ça, c'est en fin d'émission, deuxième partie. Et évidemment, on parle du 30e Festival de la BD. Alors, il y a une riche programmation et on veut l'explorer un peu plus en profondeur. Alors, qui de mieux pour faire le tour de tout ça avec nous et nous sensibiliser peut-être un peu à la richesse de cette programmation que le directeur général de l'événement, Thomas-Louis Côté. Alors, il sera avec nous dans quelques minutes là pour nous jaser de tout ça. Alors, c'est un petit menu, mais c'est également un très, très gros menu pour cette semaine ici à La Vie en BD. Comme à l'habitude, on commence notre émission avec quelques éléments issus de l'actualité, et notamment, ben, fait une belle nouvelle, évidemment, pour Laurel et ces genres de succès qu'on ne peut pas passer sous silence. Après avoir fait un carton sur Ulule lors du lancement, fait du premier tome de Comme convenu, eh bien, la dessinatrice a renouvelé son appel à un financement participatif pour le second opus de son album. Et, voilà qui est l'histoire qui s'est répétée. En l'automne 2015, en fait, elle avait clôturé sa campagne de sociofinancement en seulement une heure et avec au terme, en fait, 300 000 euros récoltés plutôt que des 9 167 espérés. Et maintenant, le deuxième tome, en fait, ça a pris 7 minutes avant d'arriver à l'objectif, et une heure après le lancement de l'objectif, on parlait de 400% de l'objectif qui était atteint et la campagne n'était même pas finie, même pas terminée. Alors, déjà, on voit qu'il y a une vive demande pour cet auteur-là. Et comme quoi aussi, qu'un placement sur le web peut justement payer gros, si on peut dire, dans le contexte de financement participatif, quand la communauté qui entoure notre création ben, répond avec vigueur aux appels de financement lancés. Dans ce cas-ci, ben, évidemment, pour l'auteur, ça dépasse toute attente et ben, on est bien content que ça se passe, évidemment. On verra la suite des choses, mais un beau succès à signaler. Et sinon, dans un autre ordre d'idées, la série des bandes dessinées jeunesse Petit Poilu de Pierre Bailly et Cérine Frépon chez Dupuis a été adaptée en dessin animé de 78 épisodes. Elle sera visible du côté de la France, enfin, à partir du 1er avril prochain. Alors, destiné aux enfants de 3 ans, je rappelle, une série sans parole qui raconte les aventures d'un drôle de petit personnage, petit et poilu, qui vit mille et une aventures sur le chemin de l'école. Un 20e album, d'ailleurs, qui paraîtra le 7 avril le prochain. Alors, c'est diffusé du côté de la Belgique et de la France. On verra si on aura quelque chose de similaire qui viendra se diffuser ici. Sinon, il y a toujours le web également pour les trouver. Et sinon, mention au passage de quelques prix et récompenses qui ont été offertes, notamment les Japan Expo Awards qui ont révélé il y a quelques temps, début mars en fait, les lauréats des Daruma 2017, 17 catégories quand même. Alors, je n'y vais pas nécessairement dans le détail, là, mais disons que le grand gagnant est My Hero Academia de Kohei Horikoshi. Daruma d'or, ça succède à Last Hero Inayushiki de Hiroa Oku. Et le palmarès complet, ben en fait, les autres titres mentionnés, allons-y comme ça. Alors, il y a Jen d'Hiroshima de Nakazawa Keiji. Il y a également Outlaw Players de Shonen, Dead Demons, Destruction, d'Asano Ino, Dédale de Takemichi, Takeru de Terasawa Buishi et One Punch Man de One et Murata Yusuke qui ont été primés dans les prix du jury de cette compétition. Et sinon, puisqu'on parle compétition, mentionnons le 6e Grand Prix de la bande dessinée bretonne qui a été donné à la bande dessinée de Chris Bertrand-Gallet et Damien Cuvillier, donc Nuit Noire sur Brest, sorti en 2016 aux éditions Futuropolis, qui a reçu cet honneur. Et enfin, dernier clin d'œil, l'auteur de BD syrien Hamid Soulalmal et l'ONG Care ont proposé 6 histoires qu'on peut trouver d'ailleurs sur le web et ailleurs. Donc, 6 courtes histoires qui racontent le quotidien des enfants syriens dans les camps de réfugiés. Alors, on dit en entrevue, en fait, certains médias européens, on a dit, j'ouvre les guillemets, l'enjeu de ces planches n'est pas d'aborder l'hypercomplexité de la guerre en Syrie. Le parti pris est avant tout humaniste. Nous voulons rappeler que derrière le terme abstrait de réfugiés se trouvent des victimes innocentes de la guerre et de l'indifférence. Il s'agit des enfants et des familles que nous aidons tous les jours en Syrie, au Liban, en Grèce ou dans les Balkans. Alors, ça, c'est le directeur de Care France qui explique l'esprit de cette BD. Et on peut la trouver d'ailleurs sur le site de carefrance.org si vous voulez lire justement ces planches. Alors voilà pour ces quelques clins d'œil en musique. Mais cette semaine, c'est de mise, c'est l'harmonie Charlebourg qui nous accompagne au fil de l'émission. Et voilà un petit extrait, en fait, c'est de Danse Cossaque, tiré de l'album Appassionato de l'harmonie de Charlebourg, sujet dont on discutera tout à l'heure. Et pour l'instant, ben, on a le plaisir donc de porter un regard sur la programmation du 30e Festival de la bande dessinée francophone de Québec en compagnie de son directeur général, Thomas-Louis Côté. Bonjour. Bonjour. Alors, Thomas-Louis, ben, peut-être d'emblée, on parle d'une grosse programmation historique. C'est la programmation du 30e anniversaire du festival, ce qui fait du festival, en fait, le le plus vieux, l'un des plus vieux festivals BD francophones là, en Amérique du Nord. C'est le plus vieux au Canada, du moins pour ce qui est de l'Amérique du Nord. Assurément, au niveau francophone, j'ai l'impression qu'on est le plus vieux, c'est assez facile. Mais au niveau des festivals qui ont une thématique bande dessinée ou comics, on est les plus vieux au Canada, ce qui est quand même pas rien. Donc ça mérite d'être souligné. Et rappelle-nous un peu, en fait, le festival lui-même avait été fondé, donc c'est en 1987 par Réal Filion. Probablement. Imaginez en 1987, mais l'événement, le premier, a eu lieu en 88, au mois d'avril, donc à Place Fleur-de-Lys. À la base, c'était un événement qui a été créé conjointement par Sonia Gagnon, qui était directrice du marketing de Place Fleur-de-Lys à l'époque, et de Réal Filion, qui était spécialiste BD et qui a déjà eu un magasin, je pense, à Place Fleur-de-Lys, qui s'appelle Royaume de la BD. C'était le 25e anniversaire de Place Fleur-de-Lys en 88, et j'ai l'impression qu'ils cherchaient des activités originales pour agrémenter cet anniversaire-là. Donc, ça a donné lieu à la création du premier festival de la bande dessinée francophone de Québec. Et on était dans un contexte historique assez différent. Aujourd'hui, en fait, on est un peu dans un deuxième âge d'or de la BD avec beaucoup d'intérêt d'éditeurs. À l'époque, c'était le magazine Crow qui dominait, mais qui était un peu en fin de parcours, là. Il y avait Safari, je pense, qui déjà avait commencé à l'époque, mais effectivement, au niveau des auteurs québécois, c'était extrêmement limité. Je dirais, il y en avait plusieurs qui sont même encore actifs aujourd'hui. Je pense à Mario Manloin, par exemple, qui était présent. Mais l'intérêt, je pense, de l'événement était surtout d'amener des auteurs internationaux pour satisfaire les amateurs de bande dessinée, mais aussi les collectionneurs. Donc, il y a eu de très bons auteurs qui sont venus tout au long de l'histoire du festival, mais dans les débuts, il y avait quand même des Gottlieb, Bob Demore et tous les grands noms du journal de Spirou, de Tintin de l'époque et tout, là. Donc, c'est le genre de choses qu'on découvre un peu, j'imagine, aussi en se plongeant dans les archives, parce que on a vu passer des communications sur le web, entre autres, en disant, si vous avez des archives et le reste, on replongeait dans les boîtes un peu en préparation du 30e. Oui, le festival, comme tel, a très peu d'archives pour les premières années, étant donné les nombreux changements qu'il y a eu, tant au niveau organisationnel que de lieu. Il y a peu de choses qui demeurent, malheureusement. Fait que c'est pour ça qu'on avait fait un appel à tous en disant, si vous avez des photos, on est intéressé à les avoir, de n'importe quoi qui pourrait être intéressant pour les archives du festival, on serait curieux d'en avoir une copie. Donc, l'appel est lancé. Si jamais vous, chers auditeurs, vous avez des choses pour nous, communiquez avec nous à info@quebecbd.com et on va se faire un plaisir de regarder ça avec vous. Mais, effectivement, c'est intéressant toujours de regarder. Moi, j'ai le plaisir d'avoir fait la 20e, la 25e, maintenant la 30e édition. Donc, la problématique de revenir en arrière sur l'événement s'est posée à trois reprises. Et c'est pour la 30e, je dirais, la fois où on s'est vraiment plongé le plus dans l'historique du festival pour essayer de revenir en arrière et d'en faire une célébration vraiment pour le milieu de la bande dessinée aussi, pas juste pour notre événement, là. Et justement, ça permet, ça amène un peu à faire des correspondances, de dire, est-ce qu'il y a des invités, par exemple, de la première édition qu'on peut inviter à nouveau? Qu'on peut mettre de l'avant dans la 30e, par exemple. Oui, ce qui est comique, il y a un invité qui, à l'époque, était un invité international, donc Régis Loisel, qui revient cette année comme un auteur québécois, étant citoyen canadien maintenant. Donc, ça boucle la boucle, si on veut, parce que sauf erreur, je pense que Régis Loisel est venu pour la première fois au Québec dans le cadre du Festival de Québec en 88. Donc, on a peut-être un petit quelque chose à faire dans le fait qu'il soit maintenant citoyen canadien. Mais, il y a effectivement plusieurs auteurs qu'on va réinviter, pas nécessairement des gens qui vont participer, parce que je pense à Mario Manloin, par exemple, qui n'a pas nécessairement de nouveautés actuellement, mais qu'on va inviter assurément à la soirée du 30e, comme tous les gens que je peux retracer dans les archives du festival comme étant des auteurs ayant été présents, là. Et en même temps, en fait, on parlait des premières éditions qui étaient très, très ouvertes vers l'international. C'est même un peu l'a priori, si on peut dire, de l'événement. Avec le temps, mais évidemment, il y a toujours une de plus en plus grosse présence québécoise. Mais cette année, on sent qu'il y a quand même aussi un gros effort qui a été mis sur l'idée de faire venir des auteurs de France, de Belgique, de Cuba, de Shanghai. C'était une des choses, je pense, que je voulais mettre de l'avant au niveau de la programmation. C'est que le festival comme tel s'est donné le mandat, il y a un peu plus de 10 ans, de mettre de l'avant la bande dessinée québécoise. Puis ça, je pense, c'est un mandat qui ne changera pas, au sens où on va essayer de travailler le plus possible avec des auteurs québécois pour les mettre de l'avant dans la programmation à travers les expositions et tout le reste. Mais le volet international est quelque chose qui est intéressant pour le public, mais aussi pour les auteurs d'ici. Donc, de faire des rencontres avec des auteurs de d'autres régions du monde pour échanger, qui est à créer des liens pour eux-mêmes aller visiter ces régions-là. Donc, j'avais l'intention cette année de nous ouvrir sur le monde, si on veut, et d'aller chercher des gens qui sortent de nos créneaux habituels d'auteurs internationaux, tu sais, France, Belgique, Espagne. Donc, cette année, on a l'Italie qui va être présent. Ben, il y a la Pologne avec Grégor Rosinski, bien sûr, mais Cuba aussi, et un invité spécial, donc Shanghai, cette année, qui va venir avec une délégation de représentants du milieu de la bande dessinée de Shanghai et deux auteurs. Et c'est intéressant parce que, dans le fond, des milieux comme Cuba, comme la Chine, ont une existence BD, ils ont une présence, mais c'est une présence qu'on ne connaît que très peu, encore plus très peu pour la Chine, j'ai l'impression aussi. Je dirais encore plus très peu pour Cuba. Oui, mais aussi. Mais la Chine, les gens de Shanghai vont quand même montrer un peu ce qui se fait comme bande dessinée là-bas. C'est quand même le berceau de la bande dessinée chinoise moderne, mais ce qui est intéressant aussi, c'est dans les auteurs qui viennent, il y a Ma Yi, qui est un auteur qui a collaboré avec Jacques Lamontagne, donc à Québec pour sa série et pour une de ses séries, et sinon Nathaniel Scobie, qui est un néo-chinois, donc un Canadien d'origine qui demeure en Chine maintenant et qui travaille là-bas, qui a développé plein de projets. Donc c'est deux auteurs qui font le pont quand même avec le Canada et le Québec via les collaborations qu'ils ont eues ou leurs origines. Mais et Cuba, ben c'est une auteure dans le fond qui demeure au Québec actuellement, mais qui m'a été présenté par la responsable d'un centre de promotion du 9e art à La Havane, donc la Vitrenia de Valonia, que j'ai eu la chance de rencontrer lors de la dernière foire internationale du livre de La Havane. Donc, dans le fond, l'idée, c'est vraiment de renforcer, parce qu'un peu comme on le comprend, reste que c'est sur des individus, c'est sur des rencontres que se bâtissent des collaborations toujours plus larges. Pour bien travailler ensemble, il faut se connaître un peu, donc de se rencontrer et de bâtir des projets, un peu comme on a fait avec Lyon depuis 2011. C'est des choses qui se font beaucoup sur l'humain avant tout. Donc, comme Cuba, c'était une très belle rencontre et on va essayer de développer des choses pour le futur. La situation cubaine est peut-être difficile un peu pour établir des collaborations fortes, mais on trouvera des façons. Sinon, ben, Shanghai, c'est vraiment dans une optique de réciprocité. Donc, il y aura des actions qui vont être faites pour amener des auteurs québécois aussi là-bas pour faire la promotion de notre 9e art, mais dans ce pays-là. Et donc, en même temps, on dit, ben oui, la bande dessinée francophone, mais la bande dessinée francophone doit s'ouvrir justement. Donc, l'idée de faire venir des gens qui ne publient pas nécessairement en français ici, mais d'aller représenter ensuite là-bas la bande dessinée francophone. Mais le Québec est quand même très très intéressé à la bande dessinée. Je pense qu'on a un bon lectorat, mais à la hauteur de notre population. C'est-à-dire, on est quand même 8,5 millions d'habitants dans l'ensemble de la province. Si on regarde Shanghai, qui est une ville de Chine avec 20 millions d'habitants, déjà là, s'il y a un intérêt pour ce qu'on fait, c'est un marché qui peut être très intéressant à aller visiter. Et ça, c'est un des exemples parmi d'autres collaborations qui pourraient avoir lieu, comme Tokyo, par exemple, ou autre. Ça, c'est pour l'Asie, mais pour l'Amérique, t'sais, Cuba, je pense pas que ce soit nécessairement un territoire où la bande dessinée a un large public, mais il y a quand même une vitrine de promotion de la bande dessinée au plein cœur de La Havane, dans le vieux Havane, ce qu'on n'a pas nous-mêmes au Québec. Il y a quand même des actions qui peuvent être posées. Comme présentement, on est en train de finir la présentation de l'exposition 25 moments importants de la bande dessinée québécoise, donc à la Vitrinia de Valonia, et pourquoi pas amener d'autres expositions là-bas. Ça a été très visité, ou des résidences. Donc oui, l'idée, c'est de bâtir des projets, de tendre des perches. C'est pas dit que toutes les perches qui ont été tendues dans les dernières années et dans les années à venir vont mener à des grands projets, mais c'est sûr qu'on a un intérêt d'aller vers des pays scandinaves, par exemple, ou d'autres pays d'Europe, ou d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud, pour créer d'autres liens, pour promouvoir un peu la bande dessinée québécoise et amener des opportunités de promotion pour leur bande dessinée aussi à travers notre programmation. Et je mentionne au passage, puisqu'on parlait de l'auteur cubaine, mais il y a une expo aussi qui la met en valeur du côté du Café Castello-Cartier au fil du Exactement, mois d'avril. Oui. Pour les auteurs de Shanghai, en fait, l'exposition est plutôt dans l'espace Shanghai. À l'intérieur même de leur kiosque, donc au Salon international du livre de Québec. Et d'ailleurs, je mentionne au passage aussi, on regarde la programmation, il y a toujours une présence évidemment du festival à l'intérieur du Salon du livre, donc des dédicaces, librairies et le reste, mais aussi tu as choisi de l'animer différemment cette année, puisque Frank P., un invité de marque internationale qui va être sur place pour réaliser en direct des fresques. Oui, mais Frank P. Est un auteur qui est venu il y a quelques années et sa venue a changé certaines affaires qu'on fait au festival, notamment l'activité artiste à l'œuvre, donc d'amener des auteurs à dessiner en direct en plein salon du livre pour attirer le regard. Frank P. ne dédicace pas. Quand il était venu à Québec, c'était une des choses qui nous avait proposé, c'était d'échanger, si on veut, des séances de dédicace pour des dessins en direct. Et ça avait tellement bien marché, c'était tellement beau ce qu'il a fait, qu'on a cherché à le reproduire à travers différentes choses qu'on fait. Et cette année, il revient, mais avec la formule qu'il fait maintenant dans les différents salons et festivals, c'est-à-dire qu'il fait une grande fresque. La fresque va avoir 12 pieds de long par 1 mètre de haut, pour mesurer les mesures. Et ça va être sur son univers animalier, Spirou, un mélange de choses, et ça va permettre aux gens tout au long du festival de voir Frank P. à l'œuvre et de lui poser des questions. Et je veux dire, l'idée est d'aller l'interrompre un peu aussi, de discuter avec lui, pas pour une dédicace, mais pour passer un moment pour le voir à l'œuvre. Donc Frank P. comme tel, lui, n'aura pas de séance de signature ou de dédicace, c'est vraiment dans cet espace-là où les gens pourront aller voir ce qu'il fait et le rencontrer, là. Et donc, ça ajoute un peu, parce que dans le fond, le festival, la bande dessinée, évidemment, il y a de la dédicace et le reste, mais j'ai l'impression, et c'est un peu le cas au fil des dernières années, en fait, c'est un effort clair qui a été mis, d'avoir beaucoup d'événements, d'activités autour de la bande dessinée. Alors, est-ce que c'est un peu, en fait, dans l'esprit aussi d'intégrer des fresques, par exemple, de Frank P. en direct dans l'espace salon, ben d'amener ce qui se passe à l'extérieur du salon du livre, dans le festival, vers aussi un peu l'espace salon? Oui, donc on vient mélanger un peu ce qu'on fait ailleurs, c'est vrai. Mais dans le fond, je pense qu'année après année, on essaie de voir comment on peut exploiter l'espace du Salon du Livre. Comme l'exposition cette année qu'on aura sur Torgal, dans le hall d'entrée, prend l'espace de la BD Tech qu'on avait mis en place l'année d'avant. Mais c'est une des premières fois où on a un peu carte blanche sur un espace pour présenter une exposition. Les dernières fois, ça s'est fait de façon plus formelle. Et enfin, en même temps aussi, une exposition sur les 40 ans de Torgal, c'est pas rien. C'est est-ce que c'est des œuvres originales qu'on va avoir? Ce ne sera pas les originaux, okay. Malheureusement, parce que dans le contexte du Salon du Livre, il y a un passage, il y a un risque. C'est ça. Et en même temps, ben, dans le fond, c'est l'idée un peu Rosinski qui vient justement, qui revient, parce qu'il était venu il y a quelques années déjà, mais là, c'est vraiment dans l'esprit aussi des 40 ans de son personnage, donc d'aller chercher d'autres anniversaires, donc les 40 ans de Torgal, les 10 ans de Frontfroid, les 30 ans de la TELUC, du concours interuniversitaire de bande dessinée. Le 150e du Parlement. 225e. Donc il y a plein d'anniversaires. Oui, exactement. Donc oui, de combiner, et comme je mentionnais un peu tantôt, c'est le 30e du festival, mais l'idée n'est pas nécessairement de se concentrer uniquement sur nous, c'est d'essayer que ça en soit une fête pour plein. Donc c'est ce qu'on veut faire avec cette programmation-là. Et Thomas Luc Côté, directeur général du festival, je le mentionne, on parlait tantôt d'une grosse activité pour le 30e, c'est un peu, dans le fond, une grosse soirée festive que vous offrez aux amateurs de BD, mais aussi à un peu n'importe qui a envie de fêter au Musée de la Civilisation. Ça, c'est la soirée du samedi 8 avril. Exactement. Donc, samedi 8 avril, on a plusieurs occasions de festives durant le festival, mais samedi 8 avril, c'est vraiment la soirée anniversaire du festival, soirée du 30e, où on en a fait une soirée sur le terme rockabilly avec Manny Jr. and the Cyclones, donc qui vont faire un spectacle live suivi d'une soirée dansante. Donc, quelque chose de vraiment drôle, festif, et on espère que les gens seront sur place pour vraiment venir en profiter. Et c'est ouvert à tous, donc venez vous amuser avec nous, venez voir un peu, côtoyer les auteurs de bande dessinée, mais dans un autre cadre que celui d'une séance de signature. Et donc, l'idée, c'est un peu, en fait, il y a beaucoup de soirées festives au fil de la semaine, d'ailleurs, parce que, dans le fond, du 1er au 9, essentiellement, chaque soir, il y a un, parfois deux spectacles aussi. Autant on parlait de l'offre internationale d'auteurs qui est très présente, autant on a mis un effort additionnel, si on peut dire, sur l'offre de spectacle cette année. Oui, mais déjà, simplement le fait que le festival soit sur 9 jours au lieu de 5, comme habituellement, c'est représentatif de l'importance qu'a pris la programmation cette année, des activités en soirée notamment. Si je regarde le premier samedi, donc 1er avril, on débute avec une soirée électro-dessinée au Musée de la Civilisation, donc la soirée Robopop. C'est quelque chose qu'on n'a jamais fait, de commencer le festival le samedi précédent avec quelque chose de cette envergure-là. Il y a le retour aussi de la conférence dessinée, donc planche d'histoire sur l'histoire du fromage au Québec, qui est précédée encore cette fois-ci par un succulent 5 à 7 avec les gens de Ça goûte bon. C'est une activité qu'on avait présentée l'an dernier pour la première fois et qui a très bien marché. Donc, c'est pour nous, c'est important de développer, d'élaborer de nouveaux concepts avec nos partenaires, mais aussi de miser sur les activités qui ont fonctionné, dont ce genre d'activités-là qui sont très intéressantes et très, très pertinentes dans notre programmation. Et d'en développer avec des nouveaux partenaires aussi, parce que notamment le vendredi 7, vous êtes allé chercher la Ligue d'improvisation musicale de Québec pour un spectacle exclusif? Bien, c'est un nouveau concept qui sera développé, c'est-à-dire le festival a fait depuis plusieurs années les soirées de l'équipe BD, donc les samedis soirs, qui étaient un match, on pourrait dire classique d'impro BD, bien que ce soit une discipline qui est très innovatrice, mais on a décidé de déplacer la soirée d'impro au vendredi soir et d'inviter plutôt la Ligue d'impro musicale de Québec à venir faire un spectacle dessiné, donc la Ligue d'impro musicale se dessine et ce sera des musiciens, des dessinateurs qui feront vraiment une joute d'impro ensemble sous l'œil aguerri d'arbitres et de commentateurs. Donc quelque chose de vraiment spécial qui va très bien fonctionner et probablement deviendra une nouvelle tradition, mais on l'attend pour la première fois à l'occasion de notre 30e. Oui, on parle dans le fond d'équipe de trois musiciens de chaque côté, deux dessinateurs. Exactement. Donc ça va faire quand même pas mal de monde côté ambiance et sans filet entièrement. Là, c'est des performances. Là. Oui, puis on a le plaisir au niveau des dessinateurs de faire des équipes mixtes, ça veut dire d'auteurs européens, auteurs québécois. Donc il y aura Johan, qui est l'auteur de Spirou, avec Alex A, Nyx et Jake Dion, donc des bêtes du dessin en direct. Là. Et en fait, il y a des spectacles, évidemment, avec des groupes, des organisations de Québec, mais cette année, tu as aussi fait venir, en fait, il y a Romain Renard qui est en résidence de création au fil du mois d'avril, et on profite de sa présence du côté du festival pour offrir une performance scénique de Melville, qui a déjà beaucoup roulé du côté européen, mais qui a essentiellement jamais été présentée en Amérique du Nord. Là. Elle n'a jamais été présentée en Amérique du Nord, sauf Cuba, Cuba où ça a été présenté. Mais on a quand même l'exclusivité de la première présentation solo du spectacle. Donc, dans sa formule classique, Romain Renard travaille avec un guitariste en direct et un accompagnateur qui fait le son, la vidéo et tout. Et pour la première fois, il nous en a fait une version solo qui va pouvoir être plus légère à voyager et on sera les premiers à la présenter. Là. Et qu'est-ce qu'il fait? Parce que toi, tu l'as vu en Europe, ce spectacle-là, qu'est-ce qui en fait l'attrait, qu'est-ce qui en fait l'intérêt? C'est très cinématographique. Bon, l'univers de Melville est un univers qui se rapproche beaucoup du cinéma. C'est mix. Vous pouvez aller voir sur le site de Melville, découvrir la ville, découvrir tout. Mais c'est un vrai road movie, si on veut, mais en direct, sur scène, avec Romain Renard qui chante, qui raconte, une trame sonore très élaborée, de la vidéo. Super, c'est une si vous êtes un amateur de cinéma, ça va être un spectacle d'une heure et quart que vous ne voudrez pas manquer. Oui, parce que dans le fond, c'est une entrée dans l'univers. Donc, si par exemple quelqu'un dit, mais je connais pas la bande dessinée Melville, ben on n'a pas nécessairement besoin de connaître l'univers avant d'entrer dans la salle. On le découvre dans le fond au contact de ce spectacle-là, et après, bon, on plonge sur les BD, le site web, l'appli, et le reste. Exactement. Donc, c'est simplement un petit teaser, comme on dit, pour ceux qui voudraient découvrir la bande dessinée et pour ceux qui la connaissent, ben, c'est une façon de la redécouvrir aussi à travers cette performance-là. Et en fait, on parlait tantôt d'inviter Ben Belges, un invité français. Ben, Romain Renard est un des Belges. Tu mentionnais Nyx, Johan, oui, tantôt, en parlant des Pro BD. On les sort tranquillement, après là. On les sort tranquillement. Et il y en a d'autres aussi, en fait. On a le plaisir d'avoir cette année plus de 125 auteurs, comme à l'habitude. Donc, des auteurs québécois, on parle de 110 et plus. Encore là, on tente d'avoir les auteurs qui ont publié dans l'année ou dans les deux dernières années. On a la chance d'avoir des gens comme Megs Fitzgerald qui se représente pour présenter les premiers livres, son premier livre publié en français chez Pawpaw. Grégoire Bouchard aussi qui présentera son nouveau livre qui a été publié chez Mosquito. Et plusieurs autres comme ça. Donc, on a vraiment au niveau des Québécois un vrai éventail de ce qui se fait au Québec. Donc, d'Alex A à des choses comme Mélodie Boucher-Vachon et autres. Donc, c'est vraiment... Il y a de belles découvertes à faire. Sinon, au niveau des Européens, ben on a 20 auteurs européens, ce qui est quand même pour nous le nombre le plus élevé, je crois, de l'histoire du festival. Ça va vraiment avec les auteurs de Shanghai dont on parlait tantôt, Rosinski bien sûr, mais deux auteurs italiens, donc Luca Arbetta et Nora Moretti, qui sont chez Glénat et Soleil. Au niveau de la Belgique, ben Alain Henriet de la série d'Andours, il y a Edgar Cosma qui est scénariste pour la série Les Belges, mais qui a fait un roman qui a été illustré par Romain Renard. Donc là où ça fait mal, on a une petite exposition de ça aussi. Puis Edgar Cosma est en résidence pour 2 mois à Montréal. Et l'expo est au Foubar. Sinon, ben, on a le plaisir d'avoir Philippe Godin, le grand spécialiste d'Hergé, qui viendra faire un entretien avec Michel Giguère pour discuter justement de ses œuvres, de l'univers d'Hergé et tout. Oui, parce que vous avez en fait une après-midi complète le samedi 8, si on se présente à 13h30 au Musée de la Civilisation, c'est une après-midi complète dédiée à Tintin. Oui, ben, on a décidé de profiter de la venue de Philippe Godin pour présenter une activité spéciale, ce qu'on n'a jamais fait, sur l'univers de Tintin. Donc, durant un après-midi, il y aura trois choses. Donc, Philippe Godin, l'entretien avec Michel Giguère. Il y a aussi Serge Pinault qui fait une conférence Tintin chez les savants. Donc, la science de Tintin. La science de Tintin ou la science dans Tintin, si on veut, parce que où se situerait le temple du soleil, on a marché sur la lune. Il explore les albums d'Hergé, mais à travers les yeux d'un scientifique, ce qui va être vraiment intéressant. Et sinon, il y a la projection du documentaire au Québec avec Tintin. Donc, si vous ne l'avez pas vu, ça, c'est un documentaire très intéressant sur Tintin et le Québec. Donc, un peu l'influence de Tintin au Québec et du Québec sur les amateurs de Tintin. Oui, parce que dans le fond, c'est l'idée un peu, on prend un invité, un peu comme Romain Renard, donc pour Philippe Godin, on en profite, il est là, ben ok, on étend un peu, on développe autour de sa présence, ou sinon on profite de sa présence pour des entretiens. Tu parlais de Michel Giguère avec Philippe Godin, mm-hmm. Donc le samedi 8, mais également le mercredi 5, il va recevoir Emmanuel Moineau, donc voilà. Lors de son rendez-vous de la bande dessinée, donc Emmanuel Moineau qui avait collaboré entre autres à l'album du 400e de Québec en 2008 et donc il était présent à notre 25e anniversaire, et ce sera l'occasion d'un entretien avec Michel lors des rendez-vous de la bande dessinée. Sinon, un autre auteur qui était là lors de notre 25e, Étienne Davodeau, qui a aussi collaboré à l'album sur Québec 2008. Étienne Davodeau, qui sera présent tout au long du festival, mais qui va offrir le samedi un atelier pour les auteurs de la relève. Donc, si jamais vous avez un intérêt pour ça, le samedi, toute la journée, on présente trois ateliers, donc un avec Alex Alice, un autre auteur, pour pas le nommer, Étienne Davodeau et Johan, qui viendront rencontrer les auteurs de la relève pour leur donner différents trucs lors de classe de maître. Si non, dans le fond, c'est vraiment une journée de classe de maître. Mm-hmm. Si on est auteur de la relève, c'est le genre de formation ou d'occasion de voir un peu, par exemple, j'imagine, on va parler du travail de couleur, Travail de couleur, Étienne Davodeau va donner un atelier sur comment raconter efficacement quelque chose en bande dessinée, parce que pour avoir fait cet exercice-là avec lui, c'est de présenter une anecdote, mais dans le nombre minimal de cases possible pour qu'on comprenne bien l'anecdote. Et c'est surprenant de voir l'effort qu'on peut mettre à raconter quelque chose en 11 cases pour que lui arrive en 3 cases à rendre quelque chose de beaucoup plus clair. Donc c'est quelque chose qui va être très intéressant, et on dit que c'est pour les auteurs de la relève, mais si vous êtes des gens intéressés à ce genre d'activité-là, laissez-nous le savoir. On réserve toujours des places pour les gens du public. Là. Oui, dans le fond, dans l'idée où on veut... C'est un peu comme pour les rendez-vous de la BD et autres. C'est des occasions de comprendre le médium peut-être un peu plus. Puis si en même temps, des fois, on a un blocage, on ne sait pas exactement comment se fait la mécanique, mais on aurait envie de se lancer dans la création, puis ça peut aussi être des belles opportunités. Exactement. Donc, ça, c'est... Puis c'est une chance unique de profiter de la venue de ces gens-là qui sont parfois difficiles à voir dans d'autres contextes, mais là, de les avoir pour vous. Pour une heure et demie. Pour une heure et demie, donc ça vaut la peine d'en profiter. Et Thomas-Louis Côté en fait un autre élément qui est beaucoup ressorti dans les communications autour de la 30e édition, c'est l'idée que pour le 30e, vous faites 30 expositions. Donc, essentiellement, la bande dessinée va occuper beaucoup de lieux un peu partout à travers la ville. Oui, ben c'est un défi un peu fou que quelqu'un m'a lancé de faire 30 expos pour le 30e anniversaire. On en avait toujours une douzaine. Donc, on parle de quelque chose de beaucoup plus imposant. Et ça nous a permis de faire de nouveaux partenariats avec d'autres organismes, notamment la Société d'art et d'histoire de Beauport, où on va présenter deux expositions, Sombre printemps et l'exposition sur Yvette Lapointe, ou l'îlot du Palais, où on fait une exposition sur Patrick Prugne, et aussi de tendre des perches chez des partenaires existants. Si je pense au Musée national des beaux-arts, par exemple, c'est la première fois depuis que je suis au festival qu'on aura une exposition, une création originale, si on veut, sur place. Donc, une création de Francis Dernier et Alexandre Fontaine-Rousseau, qui raconte la course à l'espace en 11 cases. Ces cases là seront des installations tridimensionnelles qui seront faites dans les cachots du pavillon Charles Baillarger. Donc, quelque chose d'assez unique qui est conçu spécifiquement pour le festival. Donc, c'est dans le fond, on essaie d'éclater un peu la formule en disant, bon, on en a 30. Donc, oui, on va faire des expos traditionnels, des cases, des livres qu'on va proposer, mais en même temps de casser un peu l'habitude, si on peut dire. Oui, puis on s'est lancé sur des propositions d'exposition peut-être plus élaborées aussi que ce qu'on a fait par le passé. Si je pense, par exemple, à Autour d'Automne Rouge, donc une exposition qui va raconter un peu le nouvel album d'André-Philippe Côté, Richard Valrand. C'est une exposition qui a été développée par la bibliothèque Gabriel Leroy autour de l'album, mais autour de la période aussi dans laquelle se tient l'album. Donc, quelque chose qui est très intéressant et qui met en contexte des archives de octobre 70 et l'album de Richard et André-Philippe. Mais sinon, comme Patrick Prugne à l'îlot du Palais, bon, on va présenter un peu l'album à travers des planches et différents items, mais il y a une association avec le musée Huron-Wendat qui vont fournir des artefacts Huron pour compléter l'exposition. C'est des choses qu'on pense, mais qu'on a rarement mis de l'avant, et cette année, on dirait qu'on fait tout en même temps. Là. Oui, puis en même temps, c'est intéressant aussi, des fois, dans l'idée de simplement aller prendre un café dans un endroit qu'on fréquente dans notre quotidien, et oups, finalement, le festival vient à nous un peu, que ce soit sur la première avenue à Limoilou, que ce soit dans les différents cafés du centre-ville, Montcalm. Ou les bibliothèques, la Corrigan, d'autres endroits. Donc, on a 32 lieux d'activité cette année au festival. C'est énorme. C'est énorme. Donc, une majorité sont dédiées à des expositions ou qu'on possède des expositions. Là. Et mention rapide aussi, activité famille, parce que dans le fond, le premier week-end, 1-2 avril, est assez garni aussi. Donc, tu parlais de Robopop le premier, il y a le cirque dessiné qui revient le 2 avec un deuxième volet, mais aussi pendant la journée du 2, il y a des activités familiales de 11h à 15h. Oui, donc les dimanches, dans le fond, sont plutôt tournés famille. Et si on pense le 2 avril, de 11h à 13h, au cercle, c'est le brunch dessiné. Donc, vous pouvez aller manger une bonne bouffe au cercle, et en même temps, les enfants peuvent dessiner accompagnés par Marie Lamonde-Simard pour explorer un peu le monde de la bande dessinée. Et en après-midi, donc à partir de 13h, c'est la Boom BD 2 avec New Joe Cool, donc Pierre Bouchard, et les gens de Rock Moto Diamond, groupe rock garage à la limite, mais qui là font une prestation pour les enfants, donc un peu le volume baissé, un peu plus rigolote, mais un mélange de dessin et de rock pour les enfants. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez unique là. Et dans le fond, il y a un peu cette idée-là, donc d'occuper les après-midi, d'occuper les journées. Le dimanche, il y a aussi, on revient avec le toujours au Musée des Beaux-Arts, avec les rencontres en BD qui vont être dans le nouveau pavillon cette année. Donc l'idée d'avoir des auteurs qui s'inspirent, des dessinateurs qui s'inspirent des créations qui les entourent. Et la particularité cette année, c'est que par le passé, l'exposition qui suivait le rencontre en BD se faisait à part, donc pas à l'endroit où les œuvres sont. Cette année, les cadres vont être exposés à côté des œuvres, même dans les salles d'exposition. Donc, ça va donner un regard différent sur les œuvres pendant 2 semaines là, suivant la réalisation des dessins. Oui, c'est un peu, en terminant, on pourrait dire que c'est un peu l'élément aussi à retenir du festival. Donc, il y a le cœur du festival du 1er au 9, où là, c'est vraiment les activités. Il y a tout le volet dédicaces qui, lui, est intégré au Salon du livre du 5 au 9. Mais tout le mois d'avril, il y a les expositions. Il y a des éléments de programmation aussi, des films en bibliothèque pendant tous les week-ends, tous les vendredis soirs, pendant la balance du mois d'avril après le festival. Donc, il y a vraiment l'idée d'éclater un peu. Et à la limite, en fait, c'est pas un festival si on décide de tout faire, qu'on est en mesure de consommer en 9 jours. Il faut vraiment l'étaler sur plusieurs week-ends. Là. Oui, et puis si même rendu au 1er mai, vous vous dites « Ah, merde, j'ai raté le mois d'avril pour le festival de la bande dessinée », ben l'exposition autour d'automne se termine le 28 mai. Donc, il restera toujours des petites traces du festival au mois d'avril et après le mois d'avril. Et j'imagine que ça devient intéressant, c'est parce que ces dernières années, c'était beaucoup encarcané à l'intérieur du Salon du livre. Donc, plus ça va, plus on éclate un peu et plus on profite, dans le fond, de l'essor, de la visibilité que donne le salon, mais pour offrir quelque chose qui dépasse largement ces frontières-là. Là. Oui, puis c'est un peu... ça représente vraiment les efforts qui ont été déployés dans les dernières années d'établir des partenariats avec d'autres organismes culturels, d'autres lieux qui reviennent d'année en année et on en ajoute. Donc, ça fait vraiment un festival tentaculaire dans la ville où on est un peu partout et donc les gens vont pouvoir vraiment profiter du festival au rythme et dans les endroits qu'ils le souhaitent. Alors, en fait, la programmation du festival, l'intégrale, elle se trouve sur fbdfq.com. Également sur Facebook, vous allez trouver beaucoup d'informations sur facebook.com/fbdfq. Les événements et le reste, donc on peut s'abonner si ce n'est déjà fait, sur Twitter aussi également, pour être tenu au courant de cette programmation-là. Le journal papier qui, lui, va arriver au fil du mois de mars également, comme à l'habitude. Alors, ben, donc, toutes des manières d'aller chercher, parce ça fait une demi-heure qu'on en jase, mais on pourrait, si on allait événement par événement, on en aurait pour à peu près 3 émissions. Donc, la page 2 maintenant. Et donc, on incite les gens, évidemment, à aller profiter de tout ça. Thomas-Louis Côté, directeur général du Festival de la bande dessinée francophone de Québec, bonne 30e édition. Merci beaucoup. Et on se revoit, bien, assurément, pendant les événements du festival. Et j'en profite également pour mentionner que La Vie en BD va être, elle, en direct du festival le vendredi 7 avril. Alors, vous pourrez venir nous voir, en fait, carrément, dans l'espace du hall, à côté de l'exposition Torgal, ou presque, à cette occasion. Alors voilà, donc, je rappelle fbdfq.ca, et nous, en musique, on retourne avec l'harmonie de Charlebourg. Thank you. un extrait donc des voyages de Gulliver, Laputa, donc une pièce interprétée par l'harmonie de Charlebourg, et ben justement on parle donc de l'harmonie puisque on parlait de la programmation du festival de bande dessinée francophone de Québec l'an dernier, ben activité de clôture, donc un concert dessiné, c'est une expérience qui sera réalisée à nouveau pour l'édition 2017 du festival. Et pour nous parler un peu de ce concert, on est en compagnie du directeur artistique de l'ensemble, Maxime Dubois, bonjour. Salut Raymond. Et de l'illustratrice dessinatrice Catherine Lemieux, bonjour. Allô. Alors, ben, en fait, peut-être, on parle d'harmonie de Charlebourg. Commençons par la base, les définitions. On parle d'un orchestre d'harmonie, qu'est-ce que c'est? Un orchestre d'harmonie, c'est un ensemble qui est composé de bois, de cuivre et de percussions. Donc, on parle à peu près d'une cinquantaine de musiciens dans un ensemble assez complet. Donc, quand je dis bois, cuivre, on parle de flûte, clarinette, hautbois, basson, saxophone, corps français, trompette, trombone, euphonium, tuba. Ça peut aller aussi avec la contrebasse et on a aussi les percussions. Ben, c'est de toutes sortes. Là. Donc, on est dans un autre champ harmonique, si on peut dire, que l'orchestre traditionnel, l'orchestre symphonique. Oui. Contrairement à l'orchestre symphonique, il n'y a pas vraiment de cordes, autrement la contrebasse qui va se joindre à l'ensemble. Mais on aime ça en avoir quand on peut en avoir, là. Mais il n'y en a pas tout le temps, en fait. Et qu'est-ce qui fait le charme, peut-être, de cette couleur, de ce choix sonore-là? Ben en fait, avec l'orchestre d'harmonie, c'est assez versatile. On est très loin. Tu sais, on peut être beaucoup plus proche du pop, je pense, avec un ensemble d'orchestre, avec un orchestre d'harmonie, plutôt qu'avec un orchestre symphonique. Mais c'est possible dans les deux cas. C'est vraiment juste une formation qui est un peu plus accessible. C'est présent au secondaire dans la plupart des écoles qui ont une concentration musique ou même juste une option musique. C'est une formation assez général, je sais pas comment le décrire. Et comme dans le fond c'est assez présent un peu partout à travers le monde, mais ça veut dire aussi qu'en termes de répertoire, ben il y a beaucoup d'adaptations ou de pièces originales qui sont faites pour ce type d'orchestre-là. Oui, en fait il y a des compositeurs qui écrivent spécifiquement pour orchestre d'harmonie. On en connaît plusieurs qui ont même déjà écrit pour l'harmonie de Charlebourg. On parle entre autres de Philip Spark puis de Jan van der Roest. Mais sinon il y a beaucoup de répertoires qui viennent soit du pop, soit du jazz, soit de l'orchestre symphonique qui sont réarrangés pour orchestre d'harmonie, mais il y a énormément de répertoire original pour orchestre d'harmonie. Et Maxime Dubois, enfin, on disait, tu es directeur artistique, donc avec le directeur musical François Dorion, j'imagine que s'il y a beaucoup de répertoire, vous faites deux concerts par année à l'harmonie, on doit se casser un peu, s'arracher les cheveux, se casser la tête en essayant de trouver un angle, un axe, parce qu'on a accès à beaucoup de pièces, à beaucoup de matériel, donc il faut choisir. Ben, il faut choisir, mais on a la chance d'avoir énormément de répertoire, donc c'est comme... c'est une chance qui amène son lot de problèmes, soit de choisir, mais en même temps, ça nous permet de vraiment d'année en année de se renouveler, d'aller dans des directions complètement à l'ouest parce que on a accès à une multitude de répertoires qui nous permet, en fait, de faire des concerts qui sont tantôt éclatés, tantôt plus simplistes. Ça dépend de l'approche qu'on va aller chercher. Et l'originalité aussi de l'approche que vous allez faire au Grand Théâtre de Québec le dimanche 9 avril à partir de 15h, c'est la dynamique dessinée. C'est pas la première fois pour l'harmonie de Charlebourg. En fait, c'est la troisième fois. Ouais. Qu'est-ce qui accroche, qu'est-ce qui vous interpelle, dans le fond, dans l'idée d'avoir des dessinateurs avec vous? Ben, en fait, dans un concert habituel, c'est sûr que pour le public qui est pas habitué d'aller voir des concerts classiques, là, je vais généraliser avec le classique, c'est que après un certain temps, on sait peut-être pas où regarder. Donc, je trouve que c'est le fun avec le concept du concert dessiné, c'est que ben des fois on sait pas trop quoi imaginer en écoutant un répertoire, on sait pas trop à quoi penser. Ben les dessinateurs sont là pour amener des pistes, amener des directions, puis amener les gens à voir la musique autrement, parce que tantôt une pièce comme admettons comme l'an dernier dans le répertoire qu'on avait, on avait la pièce Blue Shades de Frank Ticelli qui c'était une pièce jazz mais assez actuelle, un peu dérangeante, mais visuellement avec ce que Valmont puis Catherine avaient fait, c'était vraiment dans une direction que les gens auraient peut-être pas pensé. C'est sûr que ça parlait un peu des grandes villes en même temps, mais si on le dit pas, si on met pas le contexte, c'est dur de s'imaginer qu'est-ce que les gens pourraient penser avec ça. Fait que les dessinateurs nous amènent dans une direction, ça pourrait être carrément à l'opposé de c'est quoi le message original de la pièce, mais c'est ça la beauté en fait de la chose avec ça. Donc Catherine Lemieux, d'une certaine façon, dans le fond, c'est d'aller chercher ce que la pièce évoque pour les dessinateurs, dans le fond, pour essayer après ça de l'interpréter, de l'offrir au public. Donc c'est une interprétation, une clé que vous offrez presque. En fait, si je regarde, comme par exemple, certaines pièces de répertoire de l'année passée versus cette année, il y a certaines pièces que, comparément à cette année, il va y avoir une pièce de Nouska tirée d'un film dont on connaît une histoire, on connaît un contexte et personnages, mais il y a certaines autres pièces comme Piccolo Picante, entre autres, qu'on va avoir le loisir de s'amuser avec ça, essayer de se dire, selon les intonations, selon la pièce en elle-même, qu'est-ce que ça nous inspire côté dynamique et tout, comment est-ce qu'on va créer un petit univers pour aller avec ça, donc un petit peu comme l'année passée. Et donc ouais. ça force un peu à communiquer avec les musiciens, à voir un peu, bon, ok, est-ce que ce qu'on propose est dans la ligne un peu de ce qu'eux interprètent, est-ce que y a une cohésion dans le fond là-dedans? Au niveau peut-être des univers qui sont décidés à l'avance, une cohésion, je pense que... On peut respecter carrément le texte, parce que pour le répertoire, pour faire une idée générale du concert, le répertoire qui a été décidé, c'est du répertoire qui vient de l'univers de Miyazaki. On a aussi des contes plus classiques comme Blanche-Neige, Le Chaperon Rouge, La Belle au bois dormant. Donc, c'est sûr qu'on peut respecter l'histoire comme elle est, ou on peut en faire à notre tête, puis décider d'amener dans une autre direction. Puis c'est ça, justement, qui est le fun avec un concert dessiné. Même un conte, on va voir plein de versions potentielles, mais là, dans un concert, ça se passe en plus en direct. Parce que j'y allais progressivement, et je pense qu'on a mentionné justement la thématique du spectacle cette année. Vous avez choisi d'aller vers l'univers des contes, donc autant des contes modernes, donc ceux de Miyazaki, Nausicaa, ou encore Kiki la sorcière, les contes classiques, ceux des frères Grimm, ou des pièces qui sont un peu dans l'esprit des contes, comme le Carnaval des animaux de Saint-Saëns. Donc, peut-être en fait, d'un point de vue orchestre, donc qu'est-ce qui vous a amené du côté de l'Harmonie de Charlebourg à choisir cette thématique-là? Qu'est-ce qui vous a dans cette idée-là, dans ce lien-là? Avec le temps, moi, ça fait à peu près 2 ans que je suis rendu directeur artistique dans l'ensemble, puis on s'est dit que plus on avance, plus on va essayer d'avoir du répertoire qui est plus concret, en fait, pour les gens, parce que des fois, c'est difficile de savoir à quoi on s'attend avec un concert. Là, on s'est dit, on a un concert dessiné. L'an dernier, on s'est basé sur les fantastiques aventures du baron de Munchausen. On avait un élément clé. Là, cette fois-ci, on dit, on va encore plus aller dans cette direction-là. C'est moins abstrait. Ça amène plus les gens à savoir à quoi ils s'attendent. Un concert dessiné, c'est sûr que c'est flou tant qu'on n'est pas allé en voir un. Tant qu'à ça, on s'est dit, l'univers des contes, qu'est-ce qui est accessible? Qu'est-ce qui est écrit pour orchestre d'harmonie? Qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce qui est une retranscription? Qu'est-ce qui est un arrangement qui est accessible? On a vraiment, moi avec accompagné François Dorion, on s'est assis, on est allé voir sur Internet tout ce qui se faisait pour orchestre d'harmonie, pour voir quel répertoire fit très bien avec l'ensemble, fit très bien avec l'événement. Puis, qu'est-ce qui s'est jamais joué à Québec? Aussi. Parce que même le répertoire, tout ce qui est répertoire d'animé japonais, c'est du matériel qu'on a importé ça parce que c'était pas accessible ici. On se dit, c'est une première, tant pour l'ensemble que, tu sais, je pense pas qu'il y ait un autre orchestre avant à jouer ça à Québec. Donc, c'est un peu rendre ça plus concret, puis en même temps, voir c'est quoi le répertoire qui est devant nous aujourd'hui. Et ça revient un peu à ce que Catherine disait tantôt, dans le fond, donc on a un répertoire plus concret, c'est des histoires, dans bien des cas, on est moins dans des éléments abstraits, à part pour certaines pièces, mais en même temps, c'est aussi des histoires qui ont déjà un gros bagage visuel, dans le fond, Kiki la sorcière, on sait à quoi ça ressemble, on a vu les films, sinon, on va aller les voir, Blanche-Neige, il y a Disney qui a vraiment martelé l'imaginaire autour de ça... Comment on se positionne? Est-ce qu'il y a un peu un défi pour les dessinateurs, soit d'aller justement radicalement différemment, soit de vraiment reproduire le visuel? Tout à l'heure, Maxime, ou comme tu viens de dire, il y a beaucoup d'histoires, d'univers qu'on connaît, mais nous, on veut justement jouer avec ça, puis au lieu de donner, exactement les histoires qu'on connaît, il y a certaines pièces pour lesquelles on va y aller plus sur des pièces d'interprétation ou, comment je pourrais dire ça, on va peut-être essayer de mettre de l'avant plus l'univers, l'atmosphère, peut-être plus jouer avec ça pour venir créer d'autres surprises joyeusement. Il y a, entre autres, il y a une pièce des frères Grimm, si je ne m'abuse, pour laquelle on va peut-être détourner un petit peu le truc et... J'ose pas trop en dire. En même temps, vous êtes aussi en période de création, vous êtes en train de travailler là-dessus. Donc, d'un côté, il faut trouver des pistes pour celle-là, puis de l'autre, il y a des pièces qui, de ce que j'en connais, il y a déjà un côté très visuel, si on peut dire, dans la musique. Je parle du carnaval des animaux. Si on a des animaux qui caquettent et que la pièce, c'est un peu, on reproduit le caquettement des animaux, ben j'imagine qu'on doit quand même, ça limite un peu aussi le champ d'exploration qu'on peut en faire. C'est sûr que dans cette vision-là, oui. Donc, à ce moment-ci, même le carnaval des animaux, on va suggérer les animaux, mais on va essayer d'amener d'autres pistes, de mise en scène à ce moment-là, de ces éléments-là. Puis des fois, ça va être carrément une technique de dessin qui peut changer d'un univers à l'autre, là, parce que faut pas penser que ça va être pareil du début à la fin, parce qu'on a des artistes un peu fous. Puis c'est ce qu'on est allé chercher avec... Il y a Catherine Lemieux qui est présente ici, mais il y a également Julien Dallaire-Charret qui va participer à l'événement. Donc, on s'attend, avec deux styles qui sont assez contrastants l'un l'autre, d'avoir des approches qui vont partir dans une direction et complètement dans l'opposé d'une pièce à l'autre, ou même dans la même pièce, dans un timing, ça peut changer. Ça peut changer. Et Catherine, en fait, de ton côté, c'est pas ta première expérience en show live. En fait, t'en fais quand même pas mal. Mais c'est ta deuxième fois avec l'harmonie. Comment ça s'est passé l'an dernier, je veux dire, de se retrouver? Parce que souvent, on est, avec quelques artistes, on est une dizaine max sur scène. Des fois, t'es presque tout seul. Mais dans ce cas-ci, t'es avec 52, 53 personnes. T'as un orchestre d'harmonie, ça sonne aussi. Quoi l'ambiance de se retrouver sur scène là, dans un contexte comme ça, puis au grand théâtre en plus? C'est sûr que même l'année passée, le verdict, comment ils valent, on est arrivé dans la salle, c'était peut-être... Oui, il y avait une générale à laquelle on avait assisté pour préparer un petit peu le matériel live, si je peux dire, mais définitivement, c'est quelque chose d'assez impressionnant, assez imposant, mais de le refaire cette année aussi... Sachant comment ça se passe, dans le fond. Voilà, c'est ça qui donne envie de retourner... Parce que vous partagez, vous êtes sur la scène directement avec l'orchestre. En fait, vous faites partie de l'orchestre, c'est un peu l'idée. Ben oui, c'est ça. Donc, on a l'orchestre qui est à quelques mètres, même pas. Je me souviens que l'année passée, on avait un petit musée qui était juste en arrière de nous. Donc, c'est vraiment le cas de dire que oui, ça sonne. c'est comme si les solistes invités, là. Mais tout le long du concert. Et en même temps, en fait, c'est intéressant aussi, j'imagine, pour l'orchestre, parce que vous, le vendredi de la générale, dans le fond, c'est là aussi où vous découvrez, comme musicien, le travail des dessinateurs, dans ce cas-ci, Julien Dallaire-Charret et Catherine Lemieux. Donc, ça va être aussi une surprise pour vous de voir où ils vous ont amené. À la limite, ça doit presque être distrayant. On a envie aussi de regarder le dessin plutôt que le chef d'orchestre François Dorion. Oui, mais en fait, ça dépend de la place où ce qu'on est dans l'ensemble, mais en général, on peut pas vraiment se retourner à tout moment. Général, c'était très rigolo de voir les petits yeux se tourner tranquillement, pas vite. Non, c'est clair, mais pendant la générale, en fait, l'écran était placé du bon bord. Disons ça comme ça. On pouvait voir aussi pendant qu'on faisait la générale l'année passée, mais pendant l'événement, on peut pas vraiment s'en virer, fait que c'est vraiment après coup qu'on peut remarquer, en fait, qu'on voit dans quelles directions se sont lancés, mais même des fois, je sais que dans certaines pièces, ils passaient d'un dessin, il s'en allait à un autre, fait que le premier dessin, on l'a peut-être pas vu. C'est vraiment une expérience plus pour le public que pour les musiciens. Malheureusement pour les musiciens. C'est l'objectif du concert aussi, évidemment. Ouais. C'est de la partager avec le public et avec le plus de public possible. Je mentionne d'ailleurs que le spectacle est donc le dimanche 9 avril à 15h au Grand Théâtre. C'est un spectacle, en fait, c'est ouvert à tous. La thématique a un aspect familial aussi et les billets sont déjà en vente. On les trouve sur Billettech, on les trouve auprès des gens de l'Harmonie de Charlebourg. On peut aller sur le site web de l'Harmonie également pour avoir plus d'informations sur le spectacle ou sur le Facebook de l'Harmonie. Cherchez Harmonie de Charlebourg dans l'outil de votre choix. Vous allez trouver l'information, c'est certain. Maxime Dubois, donc directeur artistique, Catherine Lemieux, dessinatrice, merci à vous deux. Merci, Raymond. Merci. Et nous, c'est ainsi qu'on termine cette édition de La vie en BD. La semaine prochaine, on va parler notamment de fromage avec l'historienne Catherine Ferland, plusieurs autres sujets en lien avec la programmation du 30e Festival de la bande dessinée francophone de Québec. Alors, c'est Raymond Poirier au micro. Passez une excellente soirée sur les ondes du 89.1 CKRL.